Le défi de Fildar, concernant Sandy, alors c'est quoi ton défi? Alors en fait c'est un mail qu'on m'a envoyé avec plusieurs défis. J'ai plus le prénom du gamin, mais bon, je le remercie. Donc, les idées de défi, c'était déclarer sa flamme aux passants uniquement masculins avec des roses. Bon, ça, bon, je sais pas. Prendre place du bisou. Ah, c'est pas mal, ça. C'est bien, ça. Ouais. Ah, si, c'est bien, de se défiler. Si, c'est bien. Mais je lis, justement, je lis les propositions du mec. Ouais, dès que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Non, mais après réflexion, ouais. Ah, ouais, pour lundi, c'est impeccable. Mais j'en ai plein d'autres pour lundi. Prendre la place du Big Boss pendant une journée. Apprendre à parler correctement le français à notre GG national. C'est un défi qui va durer 15 jours. Faire un défi en direct live chez Fildar. Dénigrer les stacks. C'est le groupe, enfin le club de foot de Troyes. Rester plus d'une seconde dans la même pièce avec Pat Foll. Et faire pousser les seins de la belle Anka. Alors, c'était tout ça. Ah non, j'en oublie un. Bien sûr, et le dernier, bien sûr, soulever Bibi. Donc là, tu vas te faire foutre. Bah, attends, c'est quoi, faut que je la porte, c'est mon défi, c'est pas méchant. Non, bah son défi, c'est le corps dans le cul. Bah attends, on peut essayer quand même. Déjà, moi, ton défi de cette semaine, on va voir. Gérard, est-ce que c'est toi qui commandes pour Sandy? Sandy, quand même, elle peut parler en son nom quand même. C'est allez, 2 minutes, hein, c'est... même pas. Allez, c'est un défi. Non, mais franchement, si c'est son défi... C'est pas méchant, tu vois, je la plotte pas, rien, je la porte. On est d'accord? Ouais, je le fais. Des gants. Alors, on va voir. Et c'est Gérard qui va dire s'il est capable de le faire. Comme ça, on va voir s'il est musclé, notre ami Fildar. Parce que lui, il va pas au moving. Faut que j'enlève mon casque, alors. Ouais. Ah, bah non. Et tes vêtements, ouais. Et tes vêtements. Attention, il va essayer. Ah, bah, on va voir. Ah, il me disait qu'il pouvait porter 80, on va voir. Tu fais comment? Bah, mon corps, c'est 120 kilos. Tu la prends par devant ou par derrière? Attention, il la prend par devant, il va la... Par devant, déjà, au début. Attention, il va essayer de la soulever. Moyen, hein. Ah, c'est qu'il a du mal, quand même. Il a réussi, bravo. Moyen, hein. Alors, ouais, du mal. Alors, Fildar, c'est chaud. C'est dur, hein, quand même. T'as un épaulé jeté sympa, en fait. Alors, moi, j'en ai reçu un autre. Est-ce que tu es capable, puisqu'elle est déjà venue il n'y a pas longtemps et qu'elle va revenir d'ici peu, est-ce que tu es capable de soulever l'ex de Gérard? Ah, bah ouais. On va essayer. Alors là, tu viens avec nous, on la soulèvera. Ah, non. Ah, Gérard, c'est pas gagné de soulever Christine. Non, hein. Je pense pas. Non, c'est pas non plus. Je pense pas non plus. T'as fait la position de, comme on a dit hier, l'Andromaque, là, quand tu devais soulever ta tonnerre. Quoi? Et qui tu parles, toi? Bah, toi. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Bah, rien du tout, mais tu non. m'as hier, on a parlé. En plus, Andromaque, on a dit pas de nom de famille. Parce que Gérard, il a un tic, c'est que quand il me regarde dans les yeux, enfin quoi, tu regardes carrément à 30 degrés à côté, quoi. Je le regarde plus, c'est pareil. Il regarde les enceintes. Non, mais attends, tu te crois où, toi? Non, parce qu'hier, on a parlé des positions du Kama Sutra, il y avait la position d'Andromaque ou une autre, je sais plus, où tu devais porter ta partenaire, en fait, vous étiez face à face. Ouais. Et donc, tu devais avoir une relation sexuelle en la portant. Donc, je voulais te demander si toi, t'avais soulevé ton ex, donc Christine. Ah, non, tu la portes pas dans cette position, vous êtes assis, tous les deux. Ouais, mais ouais, bon, imagine que. Qu'est-ce que ça a un rapport avec Sandy? Ça, ton truc là. Non, parce que justement, on était en train de dire oui, ton prochain défi c'est de soulever Christine, donc justement. Non, c'est si ton défi. Oui. C'est ton défi. Oui, et est-ce que t'as déjà par exemple soulevé Bibi comme ça alors? Bah, bien sûr. En relation. Il m'a déjà porté plusieurs fois. Hein. Pour faire l'amour? Voyons, entre autres, oui. En plus, le foyer c'est pas Kama Sutra, c'est Sona Kotra. Ouais, bah ça va avec ça, Manu, s'il te plaît, merci. Ah, putain. Et toi, par contre, le défi, on va essayer de voir, il faudrait que tu te renseignes auprès de ça, auprès du truc du salon de l'automobile, comme t'as une grande gueule. Ben, on va t'envoyer à la porte de Versailles lors d'une soirée nocturne et on va voir si tu es y rentré facile. Et Sandy en avait préparé pas mal, c'est d'essayer aussi. D'avoir un chauffeur de taxi que tu ne connais pas, et d'avoir une course gratuite. Voilà. Ah, mais attends, tu veux jouer au con? Concept, enculé. Tu vas voir tes défis, on va t'en trouver. Ah ouais. Le défi du taxi, c'était le mien. Hein. Il est bien. Mais tiens, il est pourri, les salons de l'auto, bon. Quoi, et alors? Comme ça, tu pourras aller voir les nouveautés, tu pourras nous dire en direct comment que c'est. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois qu'on va te lâcher la grappe comme ça? Bah non, maintenant t'es dehors, tu fais les défis qu'on te dit, et c'est toi et tu te la fermes, ta grande gueule. Voilà, justement, bah tiens, commence par fermer la tienne. Ouais, c'est clair, voilà. Tu viendras avec moi, parce que selon l'auto, il y a des bières gratos. Ouais. Non, là, tu iras te faire foutre, parce que j'irai pas. Comme ça, on va pouvoir te faire conduire des tracteurs. Ouais. Comme ça, tu sauras comment faire pour rentrer, quand tu partiras en vacances. Alors, tout le monde connaît ça. J'ai la quéquette qui colle. Etc, etc. Il y avait plusieurs parodies qui ont été laissées sur le répondeur, dont une qui était apparemment directement dédiée à Gérard. Et ensuite, on aura Michel de Paris, 26 ans, qui veut un conseil pour les JO. Pour l'instant, écoutons donc une parodie concernant la quéquette qui colle pour Gérard de Suresnes. J'ai une jambe en plastoc, j'ai un gros kyste dans le cou, j'ai une jambe en plastoc, vous approchez pas, je suis plein de poux. Je suis né au Sainte-Marie de la Mer, direction Lada, c'est puis Nantes. Quand je me suis foutu en l'air, je n'étais pas très clair. C'était au péage du pont de l'Allemagne, je glissais sur le verglas. Oh non. Quand les pompiers sont venus me chercher, ils ont eu peur du moustache, je suis massif. Comme j'étais complètement torché, ma jambe est restée dans le fossé. J'aurais conduit un 110 tonnes et c'est une vraie cochonne. J'ai appelé d'une cabine, je bourrais alors le fion de Christine. Si je préférais la bibine, elle suçait bien la pine. Soit lourd sucé, 100 litres 300, bulldog en fait autant. Je suis qu'un seul alcoolique, malgré ma cure de désintox. Je suis qu'un seul alcoolique, j'enferme mon choix dans un box. Ah bon. Aujourd'hui j'allume des débats avec un QI de moins 23. Je suis d'argent d'argent culin de cas, je trouve mon cul bien sympa. On dit que je suis qu'un sinistre de la vie, je viens de la gitanerie. Maintenant je vis avec Sandy, on fait de grandes sodos parties. Avec mes 10 grammes d'alcool et j'invite des fois Henri. J'ai essayé d'arrêter de boire, mais bon c'est sans espoir. Je m'arrête des débats potables, mais bon c'est pas probable. Qui c'est le branleur qui a sélectionné ça? C'est Manuel Fildar. Putain, mais les gars, mais vous êtes deux enculés. Vous êtes deux enculés. Ah, la rame de Lucerne. Ouais, ben, pour l'instant, ça vous fait peut-être rire, mais ça nous fait pas, ça me fait pas rire. D'accord? Le prochain coup, tu te cardes dans le cul. On n'a pas écouté jusqu'à la fin, on a pris le début, parce qu'on s'est dit que c'était la carte dans le cul. Ok. Ah, énervé, bon. T'as bougé la jambe. D'accord. Alors non, la fin, quand même, merde, mais t'as, mais mettez des bips. Écoutez la fin. Non, mais t'écoutes jamais rien, alors t'es payé à quoi foutre à te branler les couilles, dans les studios? Hein? Ou dans les couloirs? Alors ça va comme ça, maintenant ton boulot, tu vas te le faire correctement parce que tu nous casses les couilles maintenant.